Le porte-parole du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a publié le 19 juin un entretien qui dit notamment « Le 17 juin, les États-Unis ont poussé l'escadrille de bombardiers stratégiques B-52H de la 8e aviation de leurs troupes d'agression à Guam à livrer les exercices de lancement des bombes nucléaires dans l'espace aérien de Corée du Sud, sous prétexte d'exercices de navigation à longue distance et d'exercices de frappe contre les objets stratégiques. » Le 13 juin, le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi, capable de livrer une attaque nucléaire contre l'adversaire, est ancré au port de Busan de Corée du Sud. Guam est une base d'agression américaine d'outre-mer qui prend la péninsule coréenne pour cible d'opération. Donc, les exercices de navigation à longue distance visent l'arrivée prompte dans l'espace aérien de la péninsule coréenne et les exercices de frappe contre les objets stratégiques sont destinés à attaquer par surprise les installations nucléaires et autres de notre République. Surtout, le déplacement du sous-marin à propulsion nucléaire en Corée du Sud vise à examiner la possibilité réelle d'introduction des forces armées nucléaires au cas d'une nouvelle guerre de Corée. Les États-Unis n'hésitent même pas à provoquer une guerre nucléaire pour réaliser leur ambition de changer notre volonté et de fléchir notre décision catégorique par la matraque nucléaire. Voilà la vraie intention de l'actuelle administration qui affiche un monde sans armes nucléaires et des États-Unis qui nous réclament l'abandon préalable du nucléaire. La réalité montre que la promotion simultanée de l'économie et de la construction nucléaire par notre armée et notre peuple est le meilleur moyen qui soit dans le monde pour la défense de la paix du pays et de la sécurité de la nation contre une guerre nucléaire. Notre méthode de défense de la paix est de livrer partout les frappes préventives avancées à notre manière immédiatement et impitoyablement contre celui qui porte atteinte à la paix précieuse. Les États-Unis sauront mieux eux-mêmes la capacité de représailles nucléaires de notre pays, devenu une puissance nucléaire de l'Orient. Notre armée et notre peuple refleront sans merci la sanction, les menées de suppression, la menace et le chantage nucléaire des forces hostiles de l'intérieur et de l'extérieur et marcheront avec force vers la grande victoire.